les lettres aux églises de Pergame, Thyatire et Sardes avaient été sévères. Par contre, le message à l'église de Philadelphie est un élogieux certificat de fidélité décerné à une église pauvre et faible qui tirait sa richesse et sa force de la parole de Dieu. Le Seigneur lui avait dit « Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3, 8. Et l'église de Philadelphie avait répondu à l'invitation de son Seigneur. Elle avait franchi la porte qu'il lui avait ouverte et elle avait répandu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu autour d'elle, réalisant ainsi une vraie vocation missionnaire. Et, preuve de l'approbation du Seigneur sur ce témoignage, il avait répondu aux prières des croyants en brisant la résistance de ses adversaires les plus tenaces. « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Apocalypse 3, 9. Chers amis chrétiens, à l'écoute de cette émission, vous sentez-vous découragé et seul parce que privé du soutien et de la compréhension de vos amis ou de vos parents? Vous suivez le Seigneur sur le chemin étroit et l'on vous trouve trop absolu? Prenez courage et demeurez fidèle, fortifiez-vous. Avec le temps, le Seigneur saura montrer qui il réprouve et qui il approuve. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens 10, 18. Parce que l'église de Philadelphie était fidèle, son chef divin lui a fait des promesses spéciales, promesses qu'il est prêt à réaliser pour vous aussi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. Aujourd'hui, nous vivons une heure de tentation à l'échelle universelle. Cette tentation s'acharne contre tous les vrais croyants à qui Satan voudrait imposer les compromis avec le monde, la remise en question des fondements de la foi, une vie chrétienne médiocre, l'acceptation de l'esprit du siècle présent, la soumission aux fausses doctrines, les doutes, les accusations ou même la pratique du péché. Mais en cette heure suprême de la tentation, nous sommes appelés à veiller, à réagir et à résister au diable. Sur le fond sombre de notre époque d'affliction et d'épreuves sournoises, la parole de l'apôtre Jacques s'inscrit en lettres lumineuses. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. La lettre à l'église de Philadelphie parle aussi de cette couronne destinée à ceux qui aiment le Seigneur. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 3, 11. Bien entendu, le texte sacré ne fait pas allusion dans ce passage au salut en Christ que nous ne pouvons perdre, mais à la couronne, cette couronne que le Seigneur destine aux vainqueurs de la course chrétienne, couronne qui, hélas, peut nous être ravi. Dans les Jeux romains, une couronne était réservée à tous les athlètes courant dans le stade. Mais lorsque l'un d'entre eux était disqualifié, la couronne qui lui avait été primitivement destinée était mise en réserve pour un autre concurrent plus digne de la recevoir lors d'un concours ultérieur. C'est là l'image que l'apôtre met devant chaque croyant de Philadelphie, comme devant chacun d'entre nous aujourd'hui. Courir, c'est une chose, vaincre, c'en est une autre. Il faut que le chrétien court de manière à remporter le prix de la course. Et il faut qu'il regarde par avance au jour de la récompense et du couronnement, où le Seigneur lui dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, 21. La récompense des vainqueurs de Philadelphie ne se limitait pas à une couronne. Le Seigneur promettait de faire d'eux des colonnes. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Apocalypse 3, 12. Une colonne se dresse souvent seule. Elle peut supporter des charges extrêmement lourdes. L'église de Philadelphie a été une colonne. Elle a expérimenté la solitude, le vide autour d'elle, mais elle a rempli sa vocation en étant cette colonne dont Dieu avait besoin à la fin du premier siècle de l'ère chrétienne. Dans la mesure où l'église universelle de Jésus-Christ est formée de colonnes semblables à celles de Philadelphie, elle remplit sa mission en étant la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15. En notre heure de tentation, le Seigneur cherche à nouveau des chrétiens qui se dressent résolument comme des colonnes face aux défis de l'ennemi, c'est-à-dire des chrétiens qui sont prêts à soutenir la vérité biblique face à la décadence religieuse. Les trouvera-t-il parmi nous? C'est dans la mesure où nous serons des colonnes ici-bas que le Seigneur fera de nous des colonnes dans le temple de notre Dieu dans la gloire à venir. L'Asie mineure a toujours connu des tremblements de terre et les secousses sismiques ont souvent ébranlé la ville de Philadelphie. Aussi, la promesse faite par le Seigneur devait-elle prendre un relief bien particulier pour les fidèles de cette cité si fréquemment perturbée par des séismes. Jésus-Christ leur assure une sécurité absolue dans l'éternité. Leur espérance dépassait donc les réalités visibles, car ils se réjouissaient déjà de faire partie d'une cité céleste aux fondements immuables. C'était là l'objectif suprême que le Seigneur mettait devant chaque vainqueur à Philadelphie lorsqu'il promettait « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Apocalypse 3, 12. Les murailles d'ici-bas peuvent s'écrouler, les villes peuvent disparaître, les noms gravés par des hommes sur des pierres peuvent s'effacer. Mais il est dans le ciel des inscriptions qui demeurent pour l'éternité. Le dernier chapitre de la Bible nous parle des serviteurs de Dieu qui le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, 3 à 4. De plus, les vainqueurs habiteront la Nouvelle Jérusalem, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 10. Déjà les patriarches recherchaient la patrie céleste. C'est pourquoi le Nouveau Testament déclare à leur sujet « Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Hébreux 11, 16. Dieu n'a pas eu honte non plus des chrétiens de Philadelphie, comme il n'aura pas honte des croyants qui aujourd'hui souffrent pour lui et cherchent à honorer son nom. Au contraire, il les approuvera publiquement. « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 10, 32. Cependant, le Seigneur a aussi décrété « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Marc 8, 38. Avoir honte de Christ ici-bas, c'est compromettre notre part à la récompense éternelle. C'est aussi perdre notre couronne. C'est pourquoi, à la fin de cette émission, nous insistons auprès de toi, jeune homme, jeune fille, auditeur inconnu de nous, mais connu du Seigneur. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Les touristes qui aujourd'hui visitent la Tour de Londres ne manquent pas d'admirer les bijoux de la couronne impériale, sertie de 2783 diamants, 277 perles, 18 saphirs, 11 émeraudes et 5 rubis. Peut-être s'étonnent-ils des dispositions électroniques de sécurité prises pour protéger ces trésors. Des mesures draconiennes ont été appliquées depuis le 9 mai 1671, jour où la couronne impériale britannique fut volée. Un bandit, du nom de Thomas Blad, avait réussi à se lier d'amitié avec un gardien des bijoux royaux. Les relations étaient devenues si cordiales que bientôt la fille du gardien fut promise en mariage au fils de Thomas Blad. Le jour des noces arriva, Thomas sollicita alors une faveur particulière pour deux de ses amis qu'il avait accompagnés en ce jour de réjouissance, qu'ils puissent voir à leur tour les bijoux royaux. Confiant, le gardien emmena les trois hommes à l'endroit où était la couronne. Ils se précipitèrent alors sur lui et le bâillonnèrent. Puis, les voleurs s'emparèrent des bijoux royaux et s'enfuirent. Je ne raconterai pas comment la couronne impériale britannique fut sauvée in extremis ce jour-là. Mais j'aimerais insister auprès de vous, chers auditeurs. Il est une couronne infiniment plus précieuse que la couronne royale la plus somptueuse. C'est celle que le Seigneur réserve dans la gloire à ceux qu'il aime. Or, il suffit parfois d'une personne s'interposant sur le chemin de la vocation pour que nous la perdions. Un acte d'infidélité ou de lâcheté pourrait nous entraîner sur une voie de désobéissance et nous faire perdre la couronne. Chrétien, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Seigneur Jésus, rends-nous fidèles, rends-moi fidèle, afin que rien ni personne ne prenne la couronne que tu nous destines et que nous soyons tous dès maintenant des vainqueurs. Pour l'amour et pour la gloire de ton nom. Amen.